Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, que signifie le féminicide ? Forgé dans les années 70, puis théorisé en 1992 par des sociologues, le concept est aujourd'hui utilisé par différentes instances politiques internationales. Il a ainsi été reconnu en 2012 par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour qui ces crimes s'inscrivent dans des cadres de violence systémique et dans une logique de domination masculine. Le terme a récemment connu une diffusion plus large en France grâce au travail des associations notamment féministes qui décomptent le nombre de féminicides. Alors ce terme est composé de deux mots, féminin et homicide, qui est construit sur le même modèle que génocide ou infanticide. Il s'agit de meurtres ou de tentatives de meurtre de femmes et tout particulièrement parce qu'elles sont des femmes. Ainsi, le caractère genré du motif du meurtre est présent. Alors, pour être plus explicite, voici deux exemples. La première situation, en octobre 2016, Lucie, 20 ans, a été kidnappée à la sortie de ses cours. Contrainte de consommer des stupéfiants, elle a été violée à plusieurs reprises avant d'être empalée sur un bout de bois, sévit, qui entraînera sa mort. Au même moment, une femme de 28 ans est renversée et tuée par un chauffard ivre à Lyon. Alors, ces deux événements sont relatifs au meurtre d'une femme, mais ils n'en sont pas moins très différents. En effet, le premier revêt un aspect sexué, il s'agit d'un meurtre genré, comprenant un mobile misogyne, alors qu'à Lyon, au contraire, la victime est un être humain, indifféremment femme ou homme. Le comportement criminel de l'auteur n'a pas de visée sexiste. Donc tuer une femme ne constitue pas un féminicide, mais tuer une personne parce qu'il s'agit d'une femme est alors un féminicide. Alors l'OMS distingue plusieurs cas de féminicide. Le premier est le féminicide dit intime, qui est commis par le conjoint ancien ou actuel de la victime. Selon une étude citée par l'OMS, plus de 35% des femmes tuées dans le monde le seraient par leur partenaire, contre 5% des meurtres en ce qui concerne les hommes. Ensuite, il y a le crime d'honneur. Lorsqu'une femme est accusée d'avoir, par exemple, transgressé les lois morales ou les traditions, par exemple par l'adultère, une grossesse hors mariage ou même lors d'un viol, ou lorsqu'une femme est tuée pour protéger sa famille, alors le meurtrier peut être un homme ou une femme de la famille ou du clan. Il y a également le féminicide, mais qui est lié à la dot, en particulier en Inde, lorsque des jeunes femmes sont tuées par leur belle famille, par exemple pour avoir apporté une somme d'argent insuffisante lors du mariage. Et enfin, le dernier cas est le féminicide non intime. C'est un crime qui implique une agression sexuelle ou dans lequel les femmes sont explicitement visées. L'exemple le plus marquant est la tuerie antiféministe à l'École polytechnique de Montréal en 1980. Alors, combien de victimes dans le monde ? Aujourd'hui, il reste encore compliqué de mesurer l'ampleur du phénomène au niveau mondial, mais justement, l'enjeu est là de pouvoir caractériser et mesurer le phénomène afin de la faire sortir de la rubrique des faits divers. L'OMS a toutefois évalué qu'au moins 5000 crimes d'honneur étaient perpétrés chaque année, surtout au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Quant aux féminicides liés à la dot, ils concernent entre 7600 et 25 000 jeunes mariés. Les féminicides intimes sont souvent décomptés au sein des violences conjugales. En France, aujourd'hui, le chiffre édifiant du nombre de féminicides quotidiens est de une femme tuée tous les deux jours et demi par son ex ou actuel partenaire. Il ne s'agit ici pas d'un drame familial ou d'un crime passionnel, mais d'un meurtre parce qu'elles sont des femmes. Alors enfin, quelle est la reconnaissance juridique aujourd'hui de ce terme féminicide ? C'est en Amérique latine que le premier texte contraignant sur la violence à l'égard des femmes a été édité. Il s'agit de la Convention de Belém do Pará en 1994. Le Mexique, le Costa Rica, la Bolivie, le Guatemala, le Chili et encore la Guyane, au total 18 pays du sous-continent, ont introduit depuis 2007 le féminicide dans leur code pénal. En Europe, le mouvement est plus limité. L'Espagne a adopté en 2004 une loi renforçant les sanctions contre les violences faites aux femmes. Et en 2013, l'Italie a voté une loi visant à lutter contre le féminicide. En France, le terme n'est pas inscrit comme tel dans le code pénal. C'est aujourd'hui un crime ou un délit contre une personne est aggravé seulement s'il est commis à raison de son sexe ou de son genre. Le sexisme est toutefois reconnu depuis janvier 2017 parmi les circonstances aggravantes d'un crime ou d'un délit, au même titre que l'homophobie ou le racisme dans le code pénal. Les violences conjugales étaient déjà implicitement concernées dans la description d'autres circonstances aggravantes, par exemple la vulnérabilité liée à l'état de grossesse ou le meurtre perpétré par le conjoint, concubin ou partenaire étendu aux anciens partenaires depuis le mois de 2010. Alors ces formulations, sexe, conjoint, partenaire, s'appliquent aussi à des crimes qui sont commis contre des hommes. Il n'existe donc pas de catégorie juridique spécifique pour les meurtres de femmes. La délégation aux droits des femmes déposera un projet de résolution sur le sujet qui marquerait une reconnaissance symbolique si l'Assemblée l'adoptait, et la délégation souhaite que l'emploi du terme soit encouragé en France afin de reconnaître le caractère spécifique et systémique de ces crimes. Enfin, l'association Osons le Féminisme milite pour que le féminicide soit reconnu comme un fait de société, alors que de nombreux meurtres de femmes sont encore qualifiés de crimes passionnels et relégués au rang de faits divers. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.